j'irai n'importe où. D'un pas léger futile, facile et sans dégoût. J'ai appris à jouer, à défricher la terre, à vendre mes idées pour vous plaire. Mais si je dois encore retrouver l'innocence et savoir qu'en amour il n'y a de souffrance, pour les combats à mort que tu livres le soir dans ce monde végétal, le long des rochers, d'une barrière de corail. Heureusement j'ai trouvé le goût des retrouvailles. À l'aube de mon départ, pour une contrée silencieuse, amour tu dois me croire, simplement heureux. Mais si je dois encore trouver l'innocence et savoir qu'en amour il n'y a de souffrance, pour les combats à mort que tu livres le soir dans ce monde animal cannibale. Cannibale.